Bonjour à tous. Alors oui, quelques mots d'introduction pour présenter le programme d'aujourd'hui. Donc en fait, cette journée d'études est issue d'un workshop qui s'était tenu au printemps dernier au centre de recherche qui avait réuni les intervenants d'aujourd'hui et le comité de pilotage du programme. Donc l'idée, c'était d'orienter cette journée plutôt du côté de l'histoire institutionnelle des galeries historiques au XIXe siècle, en essayant de privilégier des aspects encore peu étudiés du sujet, la question du portrait notamment, qui a été moins étudié que la peinture d'histoire, mais qui constitue en fait la majeure partie des collections. La place de la sculpture également, qui constitue tout un pan encore méconnu des galeries historiques. Un deuxième point qui s'était imposé d'emblée, c'est le vaste sujet de la réception des galeries historiques. Quel a été le rapport du public, des publics, de la monarchie de Juillet avec ce musée qui se voulait rassembleur et consensuel d'un point de vue politique, mais aussi la réception de cet ensemble par les artistes eux-mêmes qui se sont appropriés ce musée à travers la gravure, à travers l'image illustrée, en diffusant et en extrapolant parfois une iconographie qui finalement s'est très fortement inscrite dans la culture visuelle du XIXe siècle. Et le troisième point qui a été ressorti de nos discussions, c'était la nécessité d'interroger l'après Louis-Philippe et donc de situer cette journée dans un long XIXe siècle en posant la question de l'héritage complexe de cette institution, de ces collections, pour les régimes qui ont suivi. Comment est-ce que le Second Empire et la Troisième République ont utilisé et enrichi ces collections? Est-ce que le musée historique de Versailles a changé d'orientation, voire de fonction ou d'identité après 1848? Donc l'ambition d'aujourd'hui n'est pas du tout d'être exhaustif. Comme l'a rappelé Alexandre Marel, c'est un point de départ, une première étape du programme. L'idée, c'est plutôt de faire le point sur les connaissances actuelles et les travaux récents. Donc on remercie vivement tous les intervenants d'aujourd'hui pour avoir contribué à la conception de cette journée et pour avoir accepté de venir partager leurs réflexions, les résultats de leurs recherches qui sont passionnantes et en grande partie inédites. Un grand merci aussi à l'équipe de la conservation du musée qui a fortement, activement contribué à cette journée d'études grâce à une connaissance unique des collections. Et enfin, un grand merci à nouveau à nos conférenciers d'honneur. On est évidemment extrêmement honorés et heureux d'accueillir M. Jean-Michel Legnaud et M. Thomas Gettgens qui ont accepté d'assurer la présidence de cette journée et donc de la mettre en perspective à travers deux conférences que nous sommes impatients d'écouter.